89.4 FM. Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillées de prières, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales. Vous êtes bienvenue à la seconde tranche de la réception des invités. Nous commencerons par l'ONG PAMSI. Edouard Yao est le réalisateur et au micro, Joseph Iki Onyawa reçoit ici le bien-aimé, le responsable d'Uko Kwasi pour nous parler de cette prise en charge chirurgicale. Ça va se tenir où et quand et quelles sont les conditions? On écoute notre invité sur ce plateau, monsieur Duko, bonjour. Bonjour à vous. Alors, nous sommes là ce matin sur les antennes de la radio Fréquence Vie pour vous parler de prise en charge chirurgicale à l'ONG PAMSI. Il s'agit donc des personnes qui souffrent de hernie, de fibrome, de kyste, de goitre, de cataracte, de bec de lièvre, de tumeur maxillofaciale, de lipome et encore bien d'autres maladies. Il s'agit donc d'une prise en charge chirurgicale qui passe par la carte Best Life, Santé Finance. C'est une carte de santé humanitaire qui permet à son détenteur de bénéficier d'une prise en charge chirurgicale au sein de notre centre de santé situé à Benzerville, juste en face du supermarché Bonprix. Nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au samedi, de 8h jusqu'à 17h30, nous sommes là. Et donc, vous pouvez venir, vous faire consulter, et après la consultation, prendre votre carte Best Life, et puis bénéficier d'une prise en charge chirurgicale. D'accord. Et comment ça se fait? Il faut que la personne se déplace jusqu'à votre siège. Effectivement, pour la carte Best Life, vous devez vous rendre donc à notre centre de santé pour pouvoir prendre votre carte Best Life. Il faut remarquer que ce n'est pas seulement pour ceux qui sont malades. Vous pouvez ne pas être malade et prendre une carte Best Life parce que dans chaque famille, il y a forcément une personne qui aura besoin d'une chirurgie. Avec votre carte, vous pouvez couvrir combien de malades dans l'année? Alors, la carte Best Life prend en charge 5 cas de chirurgie pendant un an. Et ça coûte combien? La carte Best Life vous coûte 40 000. Avec 40 000, vous avez 5 prises en charge chirurgicales pendant un an. D'accord. Les prises en charge, est-ce qu'on peut avoir une estimation? Ça part de 100 000 jusqu'à 250 000 à 300 000. Ça va dépendre des cas. Vous prenez une tumeur maxillofaciale qui normalement doit vous revenir autour de 2 800 000, 3 millions. Avec la carte Best Life, vous vous retrouvez à payer autour de 300 000. Très bien. Vous prenez, j'allais dire, un goitre qui vous revient jusqu'à 600, 800 000. Avec la carte Best Life, vous vous retrouvez à payer seulement 250 000. Et c'est très bon, bien, en tout cas. Donc, voici un peu ce que nous proposons aux populations pour les personnes qui souffrent de ces pathologies que nous avons citées. D'accord. Et quels sont vos contacts, M. Duko? Donc, pour nous joindre, nous sommes au 59 99 44 60. 59 99 44 60. Nous sommes donc situés à Benzerville, sur la voie du village Agamé-Benzerville, juste en face du supermarché Bonprix. Vous verrez centre de santé Agamé-Benzerville. Nous sommes donc à l'intérieur et vous venez tous les jours pour vos consultations. Très bien. Merci beaucoup, M. Duko Kwasi, d'être passé. Je pense que l'information est très capitale. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Amen. Avec le centre La Chambre Haute, amis auditeurs, nous parlons de deuxième édition de la Nuit des Intercesseurs. C'est une veillée de prière que vient annoncer ici l'évangéliste Timothée Kwame, le premier responsable de la Chambre Haute que nous recevons pour dire que le rendez-vous, c'est juste demain soir que ça va se tenir. Et on va lui donner la parole. Bonjour à vous. Shalom, serviteur de l'Éternel. Comme tu l'as annoncé, tu vois, depuis par ma voix, tu peux savoir que nous avons commencé déjà ce grand programme pour préparer cette veille. Ce vendredi 14 février, donc on me dira, mais c'est une date spéciale pour telle fête. Moi, je sais une chose. Le plus grand amoureux de notre cœur, de notre vie, c'est Jésus-Christ. Et il dit, l'époux viendra chercher l'épouse. Et donc, pour nous, ce vendredi, rien ne doit nous empêcher de prier, de proclamer pour nos vies, pour les promesses et pour tout ce que Dieu nous a donné comme parole. C'est pourquoi la Chambre Haute invite tout le corps de Christ ce vendredi de 21h à l'aube à l'amphithéâtre de la Cité Rouge de Cocody pour la deuxième édition de la Nuit des Intercesseurs. Oui, nous croyons en cela parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous avons un thème et un sous-thème. Le thème général, oui. Au nom de Jésus, je poursuivrai, j'atteindrai et je reposséderai mes droits qui ont été bloqués. Oui. C'est ça. Et le sous-thème est Seigneur, oriente vers moi la personne que je dois épouser. C'est un souhait, c'est un vœu. Et le thème général, comme tu l'as dit, c'est l'histoire de David à Siklag. Siklag a été pillé dans 1 Samuel 30. Tout le chapitre, vous allez voir que quand David était absent, son pays a été ravagé. La ville de Siklag a été pillée. Et la Bible déclare que ils ont pris les femmes, les enfants, ils ont volé l'or et l'argent. Ils ont mis Siklag en feu et ils sont partis avec tous. Quand David est arrivé, il a pleuré. Mais après avoir pleuré, la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Nous voulons inviter tout le peuple de Dieu à cette veillée de la chambre haute ce vendredi, à l'amphithéâtre de la cité rouge de Cocody, en face de la CIE. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a arraché, quel droit, quel terrain, quel foyer, quel héritage, quel, je ne sais, on a tout pillé à Tiglac et David pleurait. Mais il a prié et Dieu lui dit, poursuis, car tu vas les rattraper et tu vas récupérer ce qu'ils t'ont volé. Donc c'est de là que le thème a été tiré. Au nom de l'Éternel, je poursuivrai le voleur qui a tout pris chez moi, je les atteindrai et je récupérerai. Tu as droit à un héritage, tu as droit à un mari, tu as droit à une promotion. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est pour toi, mais qui a été bloqué. On va prier selon. Et enfin, le sous-thème dit, Seigneur, oriente vers moi. Tu sais, Ikyo, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, mais en réalité, leur mari se trouve aux États-Unis. Il y a des gens aussi en Europe, leur mari se trouve au Ghana. C'est-à-dire que le rapprochement est important. Et à cette veillée, on va prier pour les couples. On va prier pour ceux qui sont en âge de mariage, mais qui n'arrivent pas à se marier. Et aussi, les cas de fécondité, les gens qui n'arrivent pas à enfanter. Et donc, l'orateur, c'est vous-même, hein? Moi-même, l'orateur. D'accord. Il y a plusieurs servants de Dieu, des serviteurs qui seront là. Mais c'est moi, l'orateur principal. Nous aurons des chants qui viendront de la Merak et de la prophétesse Kofi Mariette pour nous aider dans la louange. L'entrée est libre ce vendredi de 21h à l'aube. Seigneur, oriente vers moi la personne que je dois épouser. Genèse 2, 18. Et ensuite, 1 Samuel 30, je poursuivrai, j'atteindrai mes ennemis et je vais récupérer mes droits qui ont été bloqués. D'accord. Quels sont vos numéros de téléphone? Sinon, c'est à la Cité Rouge que va se tenir ce rendez-vous demain soir sur le coup de 21h. Oui, ce vendredi 14, 57 43 88 86. 57 43 88 86 ou au 08 64 94 48. 08 64 94 48. Deuxième édition de la Nuit des Intercesseurs ce vendredi 14, demain, à l'amphithéâtre de la Cité Rouge de Cocody. Allez, merci beaucoup. C'était l'évangéliste Timothée que nous recevions pour annoncer cette deuxième édition de la Nuit des Intercesseurs prévue demain, vendredi 14 février 2020, sous le coup de 21h, ce jusqu'au petit matin. Au revoir. Le ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ, MIPFJ, est dirigé par le prophète Jacques-Adolphe Ngoran, organise donc une grande veillée de prières. Et à cet effet, nous recevons sur ce plateau le pasteur Armel Bobo, c'est ça, hein? Oui. Bonjour, pasteur. Soyez bénis. Le vendredi 28 février prochain, c'est 21h au petit matin, ce sera donc une grande veillée de prières à la salle Mathieu de l'espace La Parole. Et puis le dimanche qui va suivre, 1er mars 2020, ce sera un culte spécial. Oui. Alors tout de suite, quelles sont les infos par rapport à la veillée? Alors, soyez bénis et aussi tous ceux qui m'écoutent, qu'ils demeurent bénis. Je suis là ce matin pour annoncer une grande veillée de prière et de feu qui a pour thème le feu étranger. Quel est ce feu étranger qui est dans ta vie? Quel est ce feu étranger qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'exceller, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? C'est pourquoi Dieu s'est révélé à son serviteur et il a donné ce thème à ce programme afin que toutes les personnes qui sont dans une position vraiment catastrophique, des personnes qui n'arrivent pas à voir la main de Dieu être manifeste, que tu sois chrétien ou pas, car il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu mais qui ont des feux étrangers en elle. Des personnes qui sont assujetties par des esprits, des personnes qui veulent quitter la drogue, l'alcool, l'homosexualité, beaucoup de choses. Cette veillée est faite pour vous. Tu es chrétien, tu ne vois pas la main de Dieu être manifeste. Tu pries, tu ne vois pas Dieu se manifester de manière puissante. Cette veillée est faite pour toi parce que Dieu sera présent afin d'annuler tous les feux, de consumer tous ces feux qui sont dans ta vie, qui ne te permettent pas d'avancer, de te marier, de voir la main de Dieu être manifeste. C'est pour cela que je suis là ce matin pour dire à tout le monde et inviter, peu importe l'endroit où tu te trouves, effectue le déplacement le vendredi 28 à partir de 21h. Je veux dire à quelqu'un, viens premier, car les premières places seront pour toi. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu es chrétien ou non, viens, car cela est pour toi. Et c'est à l'espace La Parole à la salle Mathieu, le vendredi 28 à partir de 21h jusqu'à l'aube. D'accord. Et le dimanche qui va suivre, 1er mars 2020, oui, donc à l'église ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ, située aux deux plateaux, oui, derrière ce côté, va se tenir ce culte-là. Et l'orateur, c'est toujours le prophète Jacques-Adolphe Ngoran. Hein? Oui. À cet effet, je veux dire que c'est le canal que Dieu a disposé afin que sa main puisse être manifeste de manière miraculeuse dans la vie de tout un chacun. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un. Ne te fais pas raconter. Déplace-toi et viens voir Dieu se manifester, Dieu être à l'œuvre par le canal qui s'est choisi, qui est le prophète Jacques-Adolphe Ngoran. D'accord. Que reste-t-il à dire avant de donner le contact? D'abord, je veux dire à tout le monde d'effectuer le déplacement parce que nous avons besoin d'être libres, spirituellement et physiquement parlant. Et le dimanche 1er mars, il y aura un culte aussi spécial. Alors venez tous massivement à partir de 8h30. Et les contacts sont le 08 11 44 19, je répète, 08 11 44 19, le 08 76 76 76, 08 76 76 76. Merci pasteur Ahmed d'être passé. Hier, c'était le pasteur Armand que nous recevions. Aujourd'hui, c'est votre tour. Passez une excellente journée. Puis transmettez nos salutations donc au prophète Jacques-Adolphe Ngoran. Merci bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est un dîner gala que nous allons maintenant annoncer. Le bien-aimé Olivier Quadio vient donc pour nous rappeler que la date du samedi 22 février 2020 à la salle Oxan Event va se tenir ce dîner gala qu'organise Bonheur Conjugal autour du thème Flamme de l'amour, renouvellement d'alliance. Le révérend Dieudonné Ngoumbi est l'orateur de ce dîner gala que vient annoncer Olivier Quadio. Bonjour Olivier. Bonjour monsieur. Alors avec vous, nous parlons de cette autre édition de dîner gala de Bonheur Conjugal. Le rendez-vous, c'est pour quand? Le rendez-vous, c'est pour le samedi 22 février à 18h à la salle Oxan Event, une salle VIP très prisée, engrais, non loin de la pharmacie 7e tranche. Et là, nous allons partager un buffet bien garni avec entrée et plat de résistance comme dessert. Nous avons aussi à partager la parole de Dieu. Ok, la parole de Dieu sera partagée et puis il y a un buffet en tout cas qui permettra à quelqu'un de se restaurer convenablement. Tout à fait. Et il faut y aller en couple, c'est ça, hein? C'est ça. Ok, on paye combien pour venir? On paye la somme de 30 000 francs pour pouvoir avoir accès au ticket. Mmh. Et un ticket de 30 000 francs, c'est pour combien de personnes? C'est pour le couple, deux personnes. D'accord, monsieur et madame. Voilà, un homme et une femme. Tout à fait. Et on paye les 30 000 là où? On paye les 30 000 à la radio Fréquence Vie ou aux rencontres Bonheur Conjugal. Et aussi, on a un numéro Orange Money qui est disponible, qu'on peut communiquer au 07 91 49 19. 07 91 49 19. D'accord. On va rappeler que c'est le samedi 22 février 2020 à la salle Oxan Event que va se tenir cette autre édition de dîner gala de Bonheur Conjugal avec comme orateur le révérend Dieudonné Ngoumbi et 30 000 francs pour permettre à un couple, monsieur et madame, d'aller se réjouir. Alors, Olivier Quadio, avant de partir, va rappeler les numéros. Bon, pour les numéros, nous avons le 07 95 02 94. On reprend. Le 07 95 02 94 ou le 59 47 50 05. Ça, c'est le numéro InfoLine. D'accord. Merci beaucoup, Olivier Quadio, d'être passé et surtout très bonne journée. Merci, monsieur. Alors, nous allons recevoir maintenant le pasteur Amankou Yapo Paul Serge, premier responsable de la Mairest, pour nous parler des midi de feu. Et nous allons tout de suite l'écouter attentivement. Bonjour à vous, pasteur Amankou Yapo Paul Serge, et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Ikyo. Aujourd'hui, 13 février 2020, nous avons un programme. Et le thème est celui-ci, le 13e jour du mois que le méchant a choisi pour envoyer la mort sur le bois. Alors, le 13 de chaque mois, c'est un événement. Dans la Bible, il est dit, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du mois, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Donc, nous voyons ici que tout a été programmé pour le 13e jour. Nous sommes aujourd'hui jeudi, 13e jour. Et l'ennemi a programmé certainement de te faire du mal et même de piller tes biens. Tu as besoin vraiment de venir à ce programme parce que ce sont des choses qui sont spirituellement programmées. C'est très important. Et c'est pour cela que Esther et Mardoché et tous les juifs à Suse ont pris 3 jours de jeûne sans manger ni boire. Et on a vu le résultat. Il faut que nous venons pour prier aussi. Il est dit que ce jour-là, les ennemis qui ont voulu dominer sur les Juifs, c'est le contraire qu'on a vu. Car ce sont les Juifs qui ont dominé sur eux. Et même Aman, qui était l'instigateur de ce complot, a été pendu à sa propre potence. Il avait dressé une potence dans sa maison pour pendre Mardoché. Et c'est lui-même qui a été pendu. C'est pourquoi, mon frère, Viens, on ne sait pas quel complot les gens programmés contre toi dans le monde spirituel en ce jour, ce jeudi 13. C'est pourquoi partout où tu te trouves, viens à Mérès pour que nous puissions mener ce combat pour annuler tout ce que les gens ont programmé contre toi ce jeudi 13 février 2020. Afin que tout ce qu'ils ont programmé retombe sur eux-mêmes. Parce que la Bible dit, sans cause, ils m'ont ouvert une fosse pour me tuer. Mais ils tombent dans leur propre fosse et ils périssent eux-mêmes. C'est ce que nous appelons le retour à l'envoyeur. C'est pourquoi de midi à 14h, viens à Mérès aujourd'hui pour que nous puissions prier, annuler tout cela. Tous ceux qui veulent prier tes biens, parce que cette année est une année de bénédiction, une année de grâce, on l'a dit. Mais l'ennemi aussi a entendu. Et il peut te poser des pièges un jour comme celui-là. Donc il faut venir de 12h à 14h à Mérès. Mérès est situé aux deux plateaux. Vous arrivez au niveau du restaurant BMW. Vous descendez le quartier qui est en face. Vous entrez dans le quartier et vous allez trouver une église catholique qu'on appelle Saint-Jacques. Lorsque vous trouverez devant l'église catholique Saint-Jacques, vous allez nous appeler à ces deux numéros et le comité d'accueil viendra vous chercher. 05 01 56 42, je dis bien 05 01 56 42, et le deuxième 01 54 83 80, 01 54 83 80, et c'est aujourd'hui même de midi à 14h. Viens pour que tout ce qu'il a fait soit annulé, retombe sur eux-mêmes au nom de Jésus. Alors, il était question pour nous d'échanger ici avec le pasteur Amokouyapo Paul Serge qui nous parlait de ce grand programme qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. La mairesse, c'est pas du tout loin. C'est juste à Cocody, les deux plateaux, à partir de midi, dans le secteur de l'église Saint-Jacques. Au revoir.